RBN Hebdo, deuxième partie. Bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle, la suite de notre émission. Toutes nos excuses pour ce désagrément et ce temps latent. Nous sommes en compagnie du pasteur, du patriarche, devrais je dire, Mbella Noé de l'Arche, auquel nous disons bonjour et bienvenue. Merci. Bon après-midi à tous les auditeurs, auditrices de la radio La Fréquence du Corps du Christ. Bon début de fin d'année. Un sujet très important nous réunit, nous rassemble cet après-midi, la question de l'ordination qui est en débat ici et là. Vous avez votre point de vue là-dessus. Nous allons tout à l'heure sans doute recevoir le deuxième invité qui a un point de vue radicalement différent du vôtre. Comment est-ce que dans la même communauté et avec la même Bible, les mêmes saintes écritures, on arrive à avoir des positions aussi radicalement différentes? Patriarche Mélanoï de l'âge, vous êtes fait ordonner, ça suppose que vous croyez en l'ordination. Je ne me suis pas fait ordonner, j'ai été ordonné pasteur, été ordonné ministre de l'Évangile. Mmh. Quand on se fait ordonner, c'est suggestif, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Mmh. On ne se fait pas ordonner. Mais vous avez été ordonné par quelqu'un? J'ai été ordonné par, un grand groupe. Par un grand groupe. Oui, oui. Enfin, celui qui avait eu l'initiative, qu'on appelle versé. Pour une ordination ne se prend pas par celui qui veut se faire ordonner, comme c'est ce qui se fait de façon marchande aujourd'hui. Mm. On ne s'assoit pas et on fait une économie de 3 millions de francs et puis on fait des billets d'invitation et on prépare une enveloppe de 500 000 francs. Et on va vers un collège de pasteurs pour dire venez m'ordonner. Et la votre ordination, comment est-ce qu'elle s'est passée? Mais de façon logique, naturelle. Vous êtes un ministre de l'Évangile. Vous avez fait vos preuves. Vous avez été approuvé de Dieu. Vous avez été confirmé par les hommes. Et ce groupe auquel vous appartenez, dans lequel il n'y a pas que des petits-enfants, des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, je veux dire, il y a des patriarches, il y a des gens qui sont remplis d'esprit de Dieu, qui, au vu d'un grand nombre de critères, déjà votre vocation, ensuite votre appel, ensuite votre formation, et puis vos formations, ensuite l'épreuve de la vie, ensuite l'épreuve du ministère, et puis l'approbation des autres, et puis ça ne se lève pas d'un jour au lendemain, et puis la prière, et quand le Seigneur confirme, alors lors d'une convention, lors d'une retraite, on organise donc l'ordination ou alors la consécration des ministres de l'Évangile. À ce moment, vous pouvez recevoir donc l'imposition des mains. C'est tout à fait ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on voit des gens qui organisent eux-mêmes leur ordination. Et ils organisent même le nom, le titre qu'ils doivent porter, le type de vêtements qu'ils doivent porter. C'est du n'importe quoi de toute façon. Oui, mais quel est le fondement biblique qui institue l'ordination d'après vous? Mais c'est la Bible elle-même. Tenez par exemple dans Deutéronome chapitre 34, verset 9, il est dit « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et c'est l'Éternel qui dit à Moïse, « Prends Josué, mon serviteur, en qui repose mon esprit, et pose tes mains sur lui. » C'est l'Éternel qui ordonnance, qui institue la consécration. C'est l'Éternel qui dit à Moïse d'appeler Aaron et ses fils et de les préparer et de leur imposer les mains pour leur faire participer à la dignité sacerdotale. Ce n'est donc pas une affaire pour laquelle on doit se battre, comme la Bible dit que nul ne s'attribue de cette dignité. C'est une affaire que les autres font. Quand les apôtres, Jésus va à la prière avec eux dans la nuit, ils n'ont pas supplié Jésus de les amener à la prière. C'est Jésus qui les amène à la prière et puis au bout de la prière de Jésus pendant toute la nuit. Il prie pour eux, il leur impose la main et leur donne le nom d'apôtre. Quand dans Jean, quand dans l'Écriture, hein, Jésus, je parle du cas des apôtres. Saul de Tarse, là je crois qu'on est dans Actes chapitre 13. Tout à fait. Ils reçoivent l'imposition des mains de l'assemblée, ce n'est pas eux qui ont demandé. Ils n'ont payé de l'argent à personne pour cela. L'Esprit de Dieu a parlé et les serviteurs de Dieu ont obéi. Ils ont imposé les mains aux missionnaires et les missionnaires sont allés dans le champ de mission. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent que de façon nominale, et peut-être vous ne les dites pas par modestie, je vous comprends, je vous connais dans ce registre. Celui de qui vous avez reçu l'imposition des mains, c'est le feu apôtre Obakia qui est... J'ai été ordonné pasteur par le feu apôtre Samuel Ndjia Obakia avec la grande classe Yetna Michel, Jean-Josué Potban et tout ce que vous pouvez imaginer autour d'eux. Très bien, ça veut dire que vous appartenez à la première, la deuxième génération du réveil au Cameroun. Oui, dans cette classe-là. Très bien. Alors, nous avons avec nous notre deuxième invité qui arrive avec un retard qui s'explique par les nombreux bouchons qui jonchent la route en ces fins d'année. Bonjour et bienvenue, pasteur Elie Bertrand Tchabda. Bonjour à mon père qui est en studio. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue. Amen. Très bien. Nous sommes sous votre retard. J'espère qu'il est excusé. Avec vous, nous allons continuer le débat, plus le thème annoncé, les questions des ordinations, bibliques ou pas bibliques. Alors, pasteur Elie Bertrand Tchabda, vous n'êtes pas ordonné. Je ne serai jamais ordonné. Et vous ne le serez jamais. Jamais. Et pourquoi? Parce que la Bible ne mentionne nulle part. La Bible ne mentionne nulle part l'ordination. L'ordination des pasteurs. Oui. Mmh. Alors vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, je suis frère. Vous êtes frère, oui. Vous dirigez une communauté. Absolument. Oui, et vous ne vous ferez jamais ordonner? Jamais, par un homme. Par un homme? Oui. Donc vous avez l'ordination de Dieu? Absolument. Et donc, elle est suffisante? C'est donc pour cela qu'il faut entrer dans la terminologie biblique en utilisant les langages de Dieu. Oui, c'est pour cela que nous sommes là ce soir pour parler de ces sujets. Donc, par rapport à l'ordination, si vous me le permettez, je ne sais pas, parce que je suis venu, j'ai pris des cours, je n'ai pas suivi mon papa. Vous n'avez pas perdu grand-chose, je vous rassure. Ah, donc, je vous l'ai dit, parce que... Lui, en face de vous, il a été ordonné. Oui. Oui. Je ne sais pas s'il peut lui poser des questions. Allez, j'imagine qu'il est disposé. Hein, absolument. Donc, je m'excuse de poser de la question. Non, je pense que dans un débat comme celui-ci, ce n'est pas à vous de poser la question. Ce n'est pas vous qui me posez des questions. Très bien. Vous répondez à l'interpellation, vous donnez votre point de vue, et puis je peux réagir quand vous pouvez réagir. Okay, très bien. Okay. Oui, donc parlant justement d'ordination, vous dites que vous ne le serez jamais parce que vous ne trouvez pas ce thème dans la Bible. Absolument. Alors, Le Nouveau Testament, encore moins le Nouveau Testament, puisqu'il s'agit de l'histoire de l'Église, ne mentionne nulle part, aucun verset ne parle de l'histoire de l'ordination dans l'Église. Très bien. Et comment est-ce que vous réagissez quand vous écoutez Patriarche Mélanoé de Lâche une telle position? Il n'est pas ordonné, oui, il ne se fait. Oui, il dit qu'il n'est pas ordonné, il ne le sera pas. Bon, je ne sais pas si c'est parce que... Du moins par les hommes. Oui, par les hommes ou par Dieu. Il dit que l'ordination n'est mentionnée nulle part. Il parle de terminologie. J'ai commencé, pendant qu'il n'était pas sur plateau, par rappeler un texte de la Bible qui est dans Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Maintenant qu'il veut diviser la Bible, il dit qu'il veut traiter seulement de l'histoire de l'Église dans... Non, il a dit, si j'ai pas mal compris, que ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau. Bon, je sais que la Bible, on la lit parfois avec un œil, pas avec tous les deux yeux. S'il n'avait jamais lu Deutéronome 34:9, il a l'occasion cet après-midi de savoir que ce texte existe. Je peux également, n'est-ce pas, pour sa propre gouverne, dire que la Bible montre à plusieurs égards comment l'ordination a été faite. Pour Aaron et ses fils, Exode 29, 1 à 9, Lévitique 8, 1 à 35, pour Josué, Nombre 27, 15 à 23, pour les 70 anciens, Nombre 11, 16, pour leur bonne préparation, Nombre 8, 21, 22, pour Timothée, la Bible dit, Paul dit à Timothée, ne méprise pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains de l'Assemblée. Oui. Donc, et puis il n'impose pas les mains avec précipitation. Ne participe au péché d'autrui. Nous venons de voir dans Actes chapitre 13 comment il y a eu imposition de mains. Moi, je suis surpris de savoir que quelqu'un dise qu'il est... Bon, on peut être frère, on n'impose pas les mains aux simples frères. On impose les mains quand on baptise quelqu'un, quand on le marie, quand on le consacre au ministère. Si le frère n'est qu'un frère, on n'a pas besoin... Un frère qui dirige une communauté. On peut être un frère qui dirige sans avoir besoin d'arriver à la dignité pastorale. C'est un choix. C'est un choix, mais seulement le malheureux constate que je sais que dans une communauté, j'ai connu quelqu'un qui a dit que lui ne va pas se faire ordonner. Mais quand il a travaillé avec d'autres frères, il a voulu les ordonner. Un désordonné qui ordonne... Un non-ordonné, c'est peut-être que j'ai mal dit. Bon, un non-ordonné, désordonné. Un non-ordonné qui veut ordonner les autres. Donc, en fait, moi, je crois que la Bible, il faut la lire très profondément. Il faut, à cause de diverses doctrines, ne pas vouloir prendre une position personnelle et vouloir emballer les gens dans cela. Dans cette direction. L'imposition des mains pour la consécration, pour les ordinations, elle est biblique. Dans l'Ancien Testament, elle est biblique. Dans le Nouveau Testament, très bien, vous avez compris. Oui. Non, maintenant, j'ai saisi bien la pensée de tout ce qui s'est dit derrière. Et c'est là où il faut arriver au niveau où il faut revenir dans la terminologie biblique. Et malencontreusement, dans toute l'histoire de l'Église, les gens ont pris de ce que les pères de l'Église, c'est-à-dire que les apôtres ou bien les docteurs post-apostoliques, c'est-à-dire que lorsque les canons bibliques avaient été institués, l'erreur malheureuse que les gens ont fait dans l'Église, c'est de prendre les initiatives que les pères, comme Augustin, Jean Chrysostome, Cyprien de Carthage, Pasteur Elibert, j'arrive avec Pasteur Elibert, le verset qui est oui, je, pour qu'on recadre, pour qu'on recentre un peu bien le débat, c'est qui est écrit dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul, la Bible dit, mettez Paul et Barnabas. Dans Actes chapitre 13. Oui, très bien. Oui, c'est pour et ça on leur impose les mains. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on réitère ce que est-ce la que Bible a mauvais, dit. Est-ce que c'est mauvais ça? Non, enfin, c'est pas, si vous voulez corriger une chose, le temps qui nous a impacté dans cette émission, c'est malencontreusement. Bon, je voulais dire que, est-ce que l'imposition de mains veut dire ordination? Parce que c'est pour ça qu'il faut revenir dans l'étymologie même des choses que la Bible explique par imposition de mains. Le père, papa, m'a pris le livre de Deutéronome pour me dire que Moïse, Josué était rempli de l'esprit parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Est-ce que c'est une ordination au sens de ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout un tas de cérémonies qui est à l'issue de cette ordination. Nous voyons par exemple l'huile qu'on verse, nous voyons les toges qu'on revêt, nous voyons le vêtement, ça c'est tout un comité que j'ai dit, nous voyons la formation à l'issue duquel on délivre les diplômes sur lesquels on écrit par exemple en foire et quoi, celui-ci lui est délivré pour servir, et voilà ce que Dieu doit. Je me demande bien en quoi un diplôme décelé par un être humain peut le faire. Et je me reposer encore une autre question, c'est d'où quelqu'un détient-il son autorité pour consacrer une autre pour dans le Nouveau Testament encore même plus. Parce que tout ce qu'il a cité là-bas, c'est pour une dispensation bien déterminée. Et j'aimerais bien dire quelque chose, on doit amener la Bible en harmonie. Il a cité le cas particulier de l'apôtre de Timothée. Et nulle part, on ne parle d'ordination. Comme on voit. Alors, mais c'est peut-être le vocable terme ordination qui vous pose problème. En fait, si on va... Mais la procédure ne vous pose pas problème. La procédure et les rituels, les rites qui ont été là, qui ont été hérités depuis le Concile d'Initié. Bon, si on extrait les rites, si on maintient juste l'imposition des mains. Voilà. Remarquez très bien que... Est-ce que vous accepteriez, Pasteur Elibert, Frère Elibert, on enlève les rites, les cérémoniels et autres? Ils ne peuvent pas enlever. La première chose. Ben, mettons-nous dans le cas de figure, on enlève. Oui, ils doivent se repentir pour une mauvaise chose parce qu'ils ont hérité des Babylones. Ce sont des pratiques babyloniennes. Donc, ils ont utilisé ça de l'Église catholique. Et si on utilise ça, c'est pour ça que j'ai apporté le compendium de l'Église catholique. Si vous voyez les terminologies que le Père a utilisées, ça se trouve dans la page 102 de l'Église catholique. C'est exactement ce que Ignace d'Antioche, c'est exactement ce que Augustin le disait en 200. Il a dit clairement que tout à l'heure que je suis un simple frère, c'est parce que dans leur pensée, l'ordination fait l'état en ce que la personne a une classe à part. Ce qui fait que ça forme déjà deux groupes dans l'église, c'est-à-dire le groupe qu'ils appellent clergé et les autres les laïcs. Or, ce n'est pas quoi que ce soit dans le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 13, lorsqu'ils sont en train de... L'apôtre Pierre et les autres apôtres sont dans l'assemblée d'Antioche, ils sont en train de prier. Ils priaient. La Bible déclare au chapitre 11 qu'ils ont passé plus d'un an dans l'église d'Antioche, pour enseigner beaucoup de personnes. Et au chapitre 9, l'apôtre Paul a déjà reçu son appel. Il a déjà exercé plusieurs années et là-bas, ce n'est qu'une recommandation. Et si le Père, comme il parlait de l'écriture tout à l'heure, s'il lit au chapitre 14, le verset 26, ils vont revenir là-bas et on va dire au verset 26, si vous voulez, on peut lire là maintenant pour lire ce qu'on en dit. Allez-y, paraphraser, parce que le temps me tient. Dans cette paraphrase, je vais seulement paraphraser. La Bible déclare que parce qu'ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu, ce n'est pas une imposition de main pour une organisation quelconque. Le verset 26 de Actes chapitre 14 nous dit le pourquoi on le faisait. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes dans une association, dans l'association des frères, et que le Saint-Esprit dit mettez-moi à part, c'est que l'Église fait, c'est qu'on impose la main en leur recommandant à la grâce de Dieu que Dieu les accompagne dans leur mission. Et c'est effectivement pour cette mission qu'ils sont allés à Laos. Et non pas qu'ils se consacrent. Ce serait bêtise puisque l'apôtre Paul a exercé depuis. Donc je me demande bien comment l'apôtre Paul qui a exercé depuis des années, on dit que c'est une acte d'ordination là-bas. Donc ce n'est pas une ordination. Du nulle part dans le Nouveau Testament, ça se trouve. Très bien. Donc ce qui fait, à titre personnel, je n'ai rien de personnel avec vous, que vous ne recevriez pour aucune raison l'imposition des mains de qui que ce soit. Et je ne peux pas conseiller, c'est pour ça que je suis venu, vous m'avez invité, je suis venu pour dire à ces pasteurs qu'il faut qu'ils se répandent parce qu'ils ont ajouté des choses qui ne sont pas de la Bible. Par exemple, j'aimerais bien que le Père qui est ici m'explique d'où vient les toges, d'où vient les habits, l'huile qu'on verse sur quelqu'un dans le Nouveau Testament. Très bien. Vous êtes interpellé, Patrick. Moi, je crois qu'il faut dans un débat comme celui-ci, j'aimerais plutôt l'appeler entretien que débat. Non, c'est un débat puisqu'il y a des avis contraires. Oui, un débat parce qu'il y a des avis contraires. De toutes les façons, il fallait qu'on pose d'abord le fondement. Le bien fondé de l'ordination. Peut-être le fondement serait la définition d'abord. Voilà. Mais une ordination, une consécration, c'est une assignation. C'est une recommandation. C'est une reconnaissance. C'est une imposition de mérite. Reconnaissance de quoi? Par qui? Reconnaissance, écoutez, Dieu est Dieu. Si le frère est un frère qui dirige une assemblée, pourquoi tous les frères ne dirigent pas cette assemblée? Il y a quand même un qui dirige. Il y a un qui dirige, il y a un qui balaye, il y a un. Il y en a qui sont là, qui ont la possibilité, même si on se laisse seulement entraîner par le mot frère, il y a quand même les anciens frères qui sont là pour diriger les autres. Donc, lui, il pense que l'ordination n'a pas de place. Moi, je dis que nous devrions donc commencer par d'abord... Est-ce que l'ordination, oui ou non? Maintenant, quand tu as cherché à savoir comment elle se fait aujourd'hui, avant qu'il n'arrivait, j'ai commencé par balayer de revers de main la manière dont les ordinations... Le procédé, oui. La procédure aujourd'hui. Mais pas parce que la procédure est mal faite par quelques-uns qu'il faille qu'on remette en cause une chose fondamentale qui existe. Ça, c'est un esprit de libertinage. C'est un esprit de Non, je ne vais pas utiliser un autre mot que celui-là, que de penser que tout le monde a fait faux. Non, la Bible est claire. L'apôtre, s'agissant même seulement des diacres, je te laisse à Crète afin que tu établisses les anciens. Et les anciens, on leur impose les mains. Quand il faut mettre en ordre les diacres, on les met en place et puis on leur impose les mains. Et puis... ceux qui sont donc là pour diriger le peuple de Dieu. Donc moi je dis que les toges, c'est une suite dans le débat. D'abord, il faut d'abord admettre qu'il y a ordination ou pas, comment elle doit se faire. Alors vous vous êtes mettez... de la bonne ou de la mauvaise manière, la toge. Pourquoi la toge a été demandée par Moïse? Quelle était la signification de la toge que Aaron portait? Quelles étaient les symboliques des couleurs? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement aujourd'hui? Quand un pasteur accepterait de porter une toge, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, lui. On vous a souvent vu en chemise pastorale et col blanc. Oui. Ça ne vous pose pas un problème? Vous pensez à quoi? Enfin, c'est une curiosité pour moi. C'est une curiosité. Et le col blanc a été inventé par ces Danois-là en 1600. Donc, ça veut dire que plus de 1600 ans, il n'y avait pas ça dans la Bible, dans l'histoire de l'Église. Tout n'est pas faux. Tout n'est pas mauvais. Mais papa, la Bible déclare qu'on ne doit rien ajouter dans la parole. On n'a rien ajouté à l'Écriture. C'est la Bible qui vous a demandé de porter la chemise que vous portez là. Non, nous parlons dans le cadre de l'office religieux. C'est la Bible qui a demandé. Non, c'est pas cela. Nous parlons dans le cadre de l'office religieux. Parce que le fait que vous portez le col correct en ville, en vous voyant, on sait que vous êtes un pasteur. Ça suppose que l'initiative de porter ces habits-là, c'est possible. Il y a des choses conventionnelles qui ne dérangent pas Dieu quand elles ne sont pas contre la sainte doctrine, quand elles ne sont pas contre le vécu normal. Là, je dis, en dehors d'un col pastoral, parce que je vais à un service. D'ailleurs, que je ne porte pas régulièrement, il n'y a pas de mal en ça. À un moment donné, j'étais très, très, très, très attristé de l'extravagance. Et jusqu'à présent, puisque aujourd'hui, ceux qui se disent pentecôtistes peut-être qu'ils regrettent de ne plus être catholiques. Mmh. Ils sont revenus aux toges, aux cannes, mmh. aux bagues, et à toutes ces choses. Oui, très choses. Bien. Avant de venir sur les travestissements et les excès, les dérives, les déviances qui tournent autour de l'ordination, je voudrais poser une question, peut-être triviale. Celui qui est ordonné, selon vous, je vous laisse la parole, qu'est-ce qu'il a de plus? Et celui qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il a de moins? La formation d'un serviteur de Dieu se passe auprès de l'Éternel, auprès des serviteurs de Dieu expérimentés, auprès d'une communauté. Jésus disait que son témoignage était vrai. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous pouviez aller droit au but, puisqu'il nous reste quelques minutes. Celui qui a ordonné, qu'est-ce qu'il a de plus? Celui qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il a de moins? Il a le témoignage de l'Assemblée des Anciens. Oui, il a le témoignage de l'Assemblée des Anciens. Oui. Mais celui qui ne l'est pas, ne l'a pas. Il ne l'a pas. Très bien, pasteur, lui être. Oui, frère, il est étrange. Je suis tenté parce que avec cette définition-là, je sais que mon père n'est pas assez avancé dans la dérive qu'on a aujourd'hui parce que les gens sont ordonnés à l'issue des formations. Et je me demande bien si on connaît leur témoignage. Les Saintes Écritures sont claires quant à la définition. Des gens qui doivent diriger les communautés. Les 19 choses sont mentionnées dans 1 Timothée 3 et dans le livre des Tite également, c'est-à-dire que les conditions requises pour faire partie des dirigeants. Mais je me réveille sur ce que le père. Les 19 choses pour. C'est mentionné pour les conditions pour être évêque, par exemple. Pour aboutir à quoi? Aspirer à la chaise d'évêque, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 3, dans Tite chapitre 1. Oui. Il a dit qu'il doit être irréprochable, Marie. On ignore pas ça. Non, Jusson, il dit, c'est pas pour. Jusson, il dit que on bafoue cela aujourd'hui et on prend des gens par suite, puisque quelqu'un fréquente, on ne sait pas ce qu'il est et Il y a des gens qu'on a ordonnés à Bonanjo partout, même par des gens qui ne le connaissent pas. C'est exactement ce que ça nous dit. Mais je voulais. Nous souffrons de ça, mais ça ne remet pas fondamentalement. C'est pour cela que je prenais cela pour revenir sur. C'est que papa dit qu'il faut qu'on aille à la base. J'aimerais dire que c'est la version King James, la version anglaise King James qui met tout ordain dans un titre chapitre 1, verset 5. Nulle part, ce n'est pas mentionné comme ça. Et si vous regardez le mot grec qui écrit là-bas, ce n'est pas ordain. Lorsque le Père cite les Écritures, par exemple, dans titre chapitre 1, il utilise effectivement le verbe qui est écrit là-bas, établi. Et maintenant, si nous lisons Jean chapitre 15, verset 16, lorsque le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Je me demandais comment il a établi les disciples. Dans Marc chapitre 1 verset 14 à 16, la Bible déclare et au chapitre 3, il dit que après avoir été monté sur la montagne, il a appelé 12 à lui ce qu'il en voulait et il en établit pour être des apôtres, pour être avec lui. Or, nous voyons très bien que c'est le même mot qui sont utilisés là-bas, établi. Et nous voyons que ça n'a pas de manifestation d'aujourd'hui. Très bien, il n'y a pas de mot ordonné. Absolument, c'est pas ordonné. Vous voulez dire que si on me dit qu'on établit les anciens au niveau de la communauté après reconnaissance par exemple de l'assemblée ou bien des apôtres, c'est qu'il y a, parce qu'il y a trois désignations. C'est le mot ordination. Il faut revenir sur la définition étymologique parce que l'ordination, quand vous parlez d'ordination, si on n'entre pas dans la sémantique biblique, les gens vont toujours comprendre l'ordination comme telle qu'on en dévoile aujourd'hui. Donc, si papa parle d'ordination. Malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est arrivé à son terme. Je ne sais pas, en fonction de la disponibilité du patriarche, si on pourra l'avoir la semaine prochaine pour achever ce débat parce que tout de même, un autre jour parce que nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes, mais je crois que l'ordination, mon vis-à-vis, mon fils, veut expliquer que ça doit être plutôt l'établissement. Quand on établit, même en établissant, l'imposition des mains est une chose sacrée que Dieu a ordonné pour donner de la dignité à une chose, à un homme. Et je crois qu'on doit continuer à imposer des mains sur des personnes qui sont fidèles, pour des personnes qui sont avérées, et que ce ne soit pas un prétexte pour que cette dignité soit ôtée parce qu'on fait mal. Aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas pouvoir poursuivre l'entretien. Mais on ne peut pas bafouer cela. Voilà, on ne va pas poursuivre l'entretien. Je suis désolé, au sortir de cette émission, je vais seulement indexer encore une fois de plus Radio Bonne Nouvelle, que les tels thèmes qui pourraient nous servir à édifier les chrétiens, enseigner les enfants du Seigneur, on donne une 30 minutes, 20 minutes, ce n'est pas suffisant. Et par la suite, on va mettre la publicité là-bas d'une heure. Très bien. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Je vais porter cette doléance à la direction des programmes. Je vous assure qu'on espère pouvoir avoir une rallonge de temps. Vous n'êtes pas le premier à faire la remarque. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement, surtout en ces moments où les embouteillages rendent le déplacement très, très, très, très compliqué. Merci à vous de l'autre côté de la maison, chers auditeurs, pour avoir consenti à passer 90 minutes en notre compagnie. Nous espérons, par la grâce du Seigneur, vous revenez la semaine prochaine lorsqu'il sera exactement midi et 30 minutes. On espère pouvoir prolonger le débat selon la disponibilité de nos invités. Et peut-être samedi prochain, nous aurons en exclusivité en la deuxième partie de cette émission. Monsieur Don Moine, ce n'est pas un bluff. Il sera au Cameroun et nous aurons peut-être l'opportunité de le recevoir ici. On espère, nous sommes en contact avec le comité d'organisation. Merci infiniment à vous d'avoir consenti à passer votre temps, notre compagnie. Très bonne suite de programme, très bonne fin de week-end et à très bientôt. Shalom. radio du ciel. La radio du ciel.